Pourquoi voulez-vous tuer Doña Inés? Mais pour toutes les raisons que nous venons de dire à votre majesté. Non, il y en a une autre. Vous êtes trop vif sur cette affaire, vous y mettez trop de pointe. Pourquoi voulez-vous tuer Doña Inés? Que ma bouche se remplisse de terre si j'ai parlé en vue d'autre chose qu'un surcroît de grandeur chez votre majesté. Assez de miel. Je veux régner sur des hommes debout, non sur des hommes prosternés. Et puis, il y a toujours sur le miel qu'on m'offre une abeille pour me piquer. Pourquoi voulez-vous tuer Doña Inés? Vous avez un secret. Je veux savoir ce que vous êtes après ce que vous faites paraître. Seigneur, que dire de plus? Il y a un secret, il y a un secret. Un homme de votre âge ne réclame pas si âprement la mort d'une femme jeune et belle et douce sans un secret. Doña Inés vous a rebuté. Vous êtes beau pourtant, vous aussi. Élégance, aisance, de tout cela vous n'avez que trop. Vous êtes ondoyant comme une flamme, comme une de ces mauvaises flammes qu'on voit se promener sur les étangs pourris et qui s'éteignent quand on veut les toucher. Que votre majesté demande à ses informateurs si j'ai vu Doña Inés plus de 3 fois dans ma vie et si je me soucie d'elle. Alors, ce n'est pas un secret contre moi au moins. Je veux savoir ce que vous cachez. Je vous poursuis et ne vous trouve pas. Regardez-moi dans les yeux. Je me regarde dans les yeux et mon visage est clair. Oui, vous me regardez dans les yeux. Mais croyez-vous que je ne vous vois pas serrer les poings de votre tension pour que vos yeux ne se dérobent pas? Et votre visage est clair. Mais croyez-vous que je ne sache pas ce qu'il peut y avoir derrière un visage clair? Que votre majesté me donne sa main à baiser. Baisons la main que nous ne pouvons couper. Grand roi, notre chef et notre père. Je vous ferai brûler la langue si vous me léchez encore. La houle finit par abattre les murs qu'elle a trop léchés. Un de mes grands qui est venu tard à la cour m'a dit que le jour où il avait découvert l'hypocrisie, il avait rajeuni de 10 ans tant c'était bon. Est-ce vrai? J'ignore. Ah, c'est bon, n'est-ce pas, d'être fourbe? On se sent vivre, n'est-ce pas? Il y a en vous quelque chose qui m'échappe et cela m'irrite. J'aime qu'un homme soit désarmé devant moi comme le serait un mort. Il y a en vous une raison ignoble, et je veux la percer. C'est entendu, il me plaît qu'il y ait un peu de boue chez les êtres. Elle s'y mente. En Afrique, des villes entières ne sont bâties que de boue, elle les fait tenir. Je ne pourrais pas être d'accord longtemps avec quelqu'un qui serait tout à fait limpide. Et d'ailleurs, tout vice que le roi approuve est une vertu. Mais lorsqu'il y a une raison ignoble, si je ne la blâme pas, je veux la savoir. Elle m'appartient. Je veux savoir la vôtre. J'étais né pour punir. Il y a autre chose. Ce que votre majesté croira, je le croirai moi aussi, puisqu'elle ne peut se tromper. Debout, homme, debout. On est tout le temps à vous relever. Vous êtes tout le temps à genoux, comme les chameaux des Africains qui s'agenouillent à la porte de chaque ville. Ah, quand je vois ce peuple d'adorants hébétés, il m'arrive de me dire que le respect est un sentiment horrible. Allons, parlez. Pourquoi voulez-vous tuer Doña Inés? Si votre majesté me bouscule ainsi, je dirai n'importe quoi. Est-ce cela qu'elle veut? Je répète que j'ai parlé. C'est tout? Eh bien, un jour, vous serez vieux, vous aussi. Vous vous relâcherez. Vos secrets sortiront malgré vous. Ils sortiront par votre bouche tantôt trop molle et tantôt trop crispée, par vos yeux trop mouvants, toujours volant à droite et à gauche, en vue de ce qu'ils cherchent ou en vue de ce qu'ils cachent. Je sais qu'en tout, vous avez vos raisons. Et ne regardez qu'elle plutôt que mon service. Et que ce sont toujours des raisons ignobles. Et je vous fais confiance quand même. Cela est étrange. Mais il n'y a que des choses étranges par le monde. Et tant mieux, car j'aime les choses étranges. Je vous fais confiance, oui, fort sur ce point. Je ne tuerai pas Inès de Castro. Vous avez entendu? Je ne tuerai pas Doña Inès. Pour sortir, passez par mon cabinet. Vous y prendrez ma sentence contre l'évêque de Guarda. Vous voulez un mort? Vous avez l'évêque. Soulez-vous-en! Royaume de Dieu, vers lequel je tire, comme le navire qui tire sur ses ancres. Oh, royaume de Dieu. Page, enlevez cette table. Elle m'écœure. Nous, par la grâce de Dieu, sublime monarque, ta-ta-ta-ta-ta-ta, que sa grandissime majesté vigne à vous appro-agréable, ta-ta-ta-ta-ta-ta, dominus, vobiscum, adjutorium nostrum, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ainsi, notre proverbe est vrai. Les petits garçons jouent derrière l'autel. Vous ne pouvez donc pas rester un instant sans faire de bêtises. Non. Que votre majesté nous pardonne, nous ne le pouvons. Comment vous ne le pouvez? Dieu nous a fait ainsi. Eh bien alors, si Dieu, sans doute faut-il le trouver bon. Faites entrer Doña Inès de Castro. Au moins ne renversez pas l'écritoire. Dieu n'en demande pas tant. Et que se passerait-il si nous renversions l'écritoire? Voulez-vous faire attention? Est-ce que nous serions pendus? On va être pendus. Quick, quick! Oh, mes pauvres enfants, vous êtes encore plus stupides que les singes. J'entendis trop de bien.